إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc je viens de commencer le sixième koua, ce dernier koua que n'a fait je viens inshallah, et n'a continué dans ça, nous avons commencé à expliquer dans parole Cheikh Yo, Cheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, qui était ancien mufti de l'Arabie Saoudite. Et donc yani nous avons commencé à expliquer une série de fausses croyances que gagne pile monde qui gagne dans croyance yo, et nous montrer que croyance ça en contradiction avec enseignement l'islam yo. Donc alhamdoulillah, mais avant de commencer nous avons besoin de mentionner un petit bagage tout. Il y a un groupe qui est Nation of Islam, Nation de l'Islam. C'est un groupe qui a commencé aux États-Unis. Puis, groupe ça, c'est un groupe qui a en pile croyance, qui est en opposition avec le fondement de l'Islam. Et, Mounsayo, savant de l'Islam, n'est pas considéré tant que musulman. Parce qu'il y a une croyance qui est en opposition avec le fondement de l'Islam. Donc, parmi le fondement de l'Islam que nous avons déjà étudié depuis le début de livre là, nous te comprendre que qu'on seul Dieu unique, et que c'est lui-même pour nous adorer seulement, et c'est lui-même qui gagne, c'est seulement lui-même qui gagne attribut de perfection. Et on connaît que Allah subhanahu wa ta'ala parmi attributs lui, c'est que lui au-delà de son trône et pas gagné qui comparable avec lui-même. Donc, nous connaissons que les musulmans, nous-mêmes musulmans, nous pas croyons dans l'incarnation ou trinité, ou bien que Dieu entre dans un monde ou dans un animal pour le vivre en être humain ou en animal ou en bail comme ça. Même, ça c'est un principe clair dans l'islam, que nous païens doivent adorer l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a black muslim, yo croit que Dieu était venu en être humain dans la personne de Farq Muhammad en 1930 à Détroit, au Michigan, pour enseigner noyau l'islam. Ça, c'est une croyance qui est complètement faux, déjà en partant. Parce que Dieu n'a pas entré dans un homme, ni pas venu dans un être humain pour le venir en être humain. Ça, c'est une insulte qu'on a fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala, il pral dormi, il pral manger, il pral caca, il pral pipi, bah ça yo on moun pa ka di que Allah subhanahu wa ta'ala ka fait bagay ça yo. Allah pa gen faiblesse, pa gen imperfection, pa gen impureté, donc on moun ki di bah ça son moun ka insulter Allah subhanahu wa ta'ala. On l'autre bagay tout yo gen en croyance yo, c'est que Elijah Farq Muhammad t'a enseigné au moun qui t'a relé Elijah Muhammad. Et il dit que Elijah Muhammad c'était lui-même qui était prophète là pour tout noyau. Et ça c'est l'autre mensonge, parce que dernier prophète là c'est prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après lui-même, pas qu'un autre prophète qui peut le venir. Depuis 1400 ans, il était venu en Arabie et c'est lui-même qui est venu pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que il n'est pas venu pour un peuple en particulier, il est venu pour tout peuple, pour toute nation, pour toute culture. Pas gain en différence entre l'humanité, il y a toute l'humanité il est obligé de suivre prophète ça, même si c'est en arabilité et c'est pas en excuse pour ne pas suivre. Donc ça c'est un principe clair, et on, si on monde qui croit que gon l'autre prophète après prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que il est pas musulman, parce que ça c'est un principe fondamental dans l'islam que ou pas qu'à remettre les en question. Et ça il est écrit clairement dans le Coran. Le nous t'ai lu ça déjà dans un cours précédent que nous t'ai fait. Bon, ça c'est deux parmi exemples. Gain l'autre croyance que yo gain qui en contradiction avec l'islam, c'est que yo pas croit dans le paradis, yo pas croit dans l'enfer. Yo dit que l'enfer c'est dans terre, c'est kounya, ou bien c'est dans terre tout. Hein, son état d'âme ou bail comme ça, yo interprète le nom de façon fausse. Yo agit même avec un secte qui est les ismaélites, hein, son secte que nous relait les Batiniya en arabe. C'est monde qui croit que pas grand on seule parole dans révélation que ou qu'à comprendre. Il dit toute parole que vous lit, li gon l'autre signification secrète, et c'est seulement monde qui initié dans secte yo que qui qu'à comprendre signification ça. Bah ça yo croyance ça, c'est une croyance qui est fausse, qui est en contradiction avec l'islam, parce que li nie réalité révélation, parce que Coran il est rempli de versets. Et le prophète là, il mentionne un paquet de hadiths qui expliquaient que qu'on vit après la mort et que pas le grand paradis et pas le grand on l'enfer. Pas le grand paradis pour nous qui t'es gain en bon croyance et qui t'es obéi, prophète yo. Et pas le gain en l'enfer pour nous qui t'es gain en mauvaise croyance et qui t'es désobéi, prophète yo. Et ça c'est un bail qui est réel, c'est pas un bagage symbolique ou allégorique. Son bail réel qui existait vraiment et qui pourrait exister vraiment, qui déjà existait, puis les jugements établis, chaque monde peut le juger, Allah peut le juger chaque être humain, et il peut le rétribuer selon sa saleté fait. Bon, l'autre bagaille tout qui est très grave, c'est que Mounsayo, yo fait une distinction entre être humain yo par rapport à couleur yo. Par rapport à la race ou à la couleur. Donc, il dit que blanc, c'est diable, et noir, c'est Dieu. Donc, déjà, ça, c'est un bail qui est une grave erreur, parce que vous connaissez que dans l'islam, pas de différence entre blanc, entre noir. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, c'est pas ça que nous pouvons juger au jugement dernier, par rapport à la couleur au monde, mais c'est par rapport à la croyance, par rapport à l'action. Les prophètes là, sallallahu alayhi wa sallam, il était dit Allah n'a pas gardé couleur forme noire ou bien bien nous yo ça nous gagne comme richesse ou bien ça nous gagne comme apparence physique, mais il garde cœur nous yo et il garde action nous yo. Donc c'est action et croyance qui comptait. Kounya, si on moun blanc gagne moun ki blanc qui diable, gen moun ki noir, qui diable. Pas gen on bay qui dit dans l'islam que si ou blanc ou diable, si ou noir ou diable. Non, c'est une question de foi et d'action. Gen moun qui blanc qui agit mal, gen moun qui blanc qui agit bien. Gen moun qui blanc qui musulman, gen moun qui blanc qui koufar. Donc, gen noir tout qui croyant, hein, qui agit mal, et gain noir tout qui agit bien, qui diable, bien qui bon. Donc c'est pas en question de couleur ou de nationalité ou de race, c'est en question de croyance et d'action. Donc chaque monde, Allah peut le juger selon sa mérité. Gain noir qui fait injustice à noir, gain blanc qui fait injustice à blanc. Gain blanc qui fait injustice à noir, gain noir qui fait injustice à blanc, gain injustice dans tous côtés, dans toutes directions. Donc, nous-mêmes, musulmans, nous pas fait raciste, nous pas y'en droit qu'on en bagaille ça. Donc ça c'est le principe Mounsayo qui est en contradiction avec l'islam. Et au monde qui croit dans Bagay Sayo, l'Ipaka prétend que sont musulmans liés. Hein? Parce que l'islam n'a pas fait distinction comme ça. Kounia, c'est vrai que Blanc a fait un pile injustice dans l'histoire. Il a fait un pile injustice à Noyo. C'est vrai. Nous pas qu'à nier Bagay ça. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala il pourra le juger au jugement dernier, ça a été fait de mal. Hein? Il pourra le rétribuer pour ça a été fait et ça a mérité. Hein? Mais ce n'est pas une question que oh, c'est blanc, c'est diable, c'est bagaille ça. Non. Ça, il y a des noirs qui font bail et tout. Même dans l'esclavage, il y a des noirs qui font vendre l'autre noir tout. Et jusqu'à qu'il y a encore un pile de monde qui fait raciste, même parmi les noirs, il y aura des noirs. Ils font raciste à noirs. Hein? Tant que ça est arrivé au Rwanda, entre noirs. Hein? Nous connaissons ça qui est arrivé. Hein? Les Tutsis et les Hutus, ils ont commencé à tuer tête. Hein? Et ils ont tous les deux noirs. Donc c'est exemple ça pour nous réfléchir, pour nous voir que ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de ça au monde. Quoi et ça on ne fait. Si on fait le bien, Allah peut le juger. Et si on fait le mal, Allah peut le juger. Donc, moun sa yo sek sa yo, by Farrakhan yo, by Black Muslim, yo pas musulman moun sa yo. Même si yo prétend que yo musulman. Yo même le yo en moun, depuis son noir lié, yo pral dit, ah, mon frère, hein. Parce que le noir, pas parce que le musulman, pas parce que le croyant, pas parce que l'inan tawhid, l'absuf tawhid là, parce que le croyant en prophète, non. C'est une question de couleur. Si y'a un monde qui athée, un noir qui athée, ou bien un noir qui chrétien, un noir qui absuive l'autre religion fausse, de fausseté, en voudouisant, je vais le dire mon frère, hein. Là, y'a un musulman blanc, un monde qui absuive la vérité qui blanc, il va le dire à son diable. Donc ça c'est mon cap fait raciste, cap fait division, cap égaré monde. Donc il est pas musulman et faut nous connaître ça pour nous pas tomber dans piège monde ça. Donc on a continué dans le livre, ça nous a commencé à bon pour nous continuer pour nous terminer inchallah. Cheikh l'a dit wa min al-aqaid al-kufriyya al-mudadda lil-aqidati as-sahiha wal-mukhalifa لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأوغاث وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم. Donc, qu'on y en a commencé à expliquer ça, inshallah. Cheikh l'a dit que gain en pile dans croyances qui fausses, qui en opposition avec l'islam et qui c'est des croyances de kufr qui en opposition avec croyances correctes là c'est et qui en opposition également avec sa messagerie au témoigné dans révélation yo. Et gain en pile dans monde qui cap appelé à une série de idéologies à l'époque noire dans l'époque contemporaine nan, qui en contradiction avec vraie croyance du prophète tant que monde cap suivre Karl Marx et Lénine et quelqu'un d'autre qu'après les A, idéologie athée et à la mécréance. Donc, peu importe qui j'en aurait l'aile, que ce soit socialiste ou communiste ou baptiste ou n'importe quel autre groupe ou parti idéologie matérialiste, toute idéologie ça y est en contradiction avec fondement principe islamique. Parce que toute idéologie matérialiste ça y est établie sur la sur une idée athée que pas gain Dieu et que tout ça qui existait c'est la matière seulement. Il y a pas quoi dans l'âme, il y a pas quoi dans Dieu, il y a pas quoi dans rien. Tout ça qui est invisible, yo nié li, yo pa kwen nan li, hein, yo pa kwen nan Dieu. Donc toute idéologie ça yo nous pas gain droit kwen nan bagay ça yo. Parce que yo en contradiction avec principe croyance prophète yo. Et parmi fondement ou principe idéologie ça yo, c'est que yo nié la résurrection, yo nié le paradis et l'enfer. Yo pa kwen nan le paradis, yo pa kwen nan l'enfer. Et yo pa kwen nan l'autre religion, yo nié toute religion. Bon, yo nié religion prophète, yo, et yo nié même l'autre religion qui fausse, yo. Hein, yo nié religion en ensemble. Donc, tout, n'importe qui monde qui étudie livre moun sa yo, yo pral réaliser que si yo étudie, yo pral wè que son bay qui certaine que yo pa kwen nan bagay sa yo. Yo pa kwen nan religion, yo pa kwen nan Dieu, yo pa kwen nan paradis, nan l'enfer, yo pa kwen nan rien excepté nan sa yo ka touché ou bien nan sa cinq sens yo ka découvri, mais en dehors de ça yo pa reconnaître en rien. Et pa gen doute que croyance sa yo en opposition avec toute religion que Dieu t'a révélée, toute prophète que qui t'est venu avec un message de Dieu, hein, c'est un message qui en opposition avec idéologie ça yo. Et monde qui croit en idéologie ça yo, les yo pral rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, yo pral dans une mauvaise situation, yo pral dans l'égarement et on prend dans l'enfer. Parce que on croyance qui est en opposition avec la réalité et la vérité. Parmi croyances qui est en opposition avec la vérité tout, il y a un monde qui croit parmi soufis, hein, qu'on secte. Il y a un secte dans l'islam qui est les soufis, hein. Les soufis, ils sont divisés en paquet de groupes, de confréries. Il y aurait les confréries en français. Sauf qu'en arabe, nous, il y a toruk. Le pluriel de tariqa. Donc, il y a tout gagné au tariqa. Et chaque tariqa, bon chef, bon fondateur qui établit lui. Et c'est moun qui absuivent un paquet de croyances puis de pratiques qui, en contradiction avec l'islam. Soit que ces croyances qui kofre ou shirk, ou bien soit ces croyances qui innovation, bid'a, et qui mènent moun dans l'égarement. Ok, et moun sa yo, yo parlait de spiritualité, yo parlait de foi, mais en même temps yo mélange avec un paquet d'autres bagailles qui ont contradiction avec l'islam. Donc faut nous faire attention à moun qui relait tête yo soufi, parce que yo très grave, yo très dangereux moun sa yo. Yo en contradiction avec l'islam. Et mais même si yo essayait bay tête yo en sorte de authenticité, ils ont essayé d'expliquer que c'est musulman que ils suivent l'islam réellement, mais en réalité c'est menti, il y a égaré monde. Donc parmi croyances moun sa yo, gen dan yo qui croient que yo croient dans sa yo rele al-awliya. Et al-awliya qui ça y est, c'est en arabe, là où traduit awliya, il signifiait les alliés ou les proches, les rapprochés ou bien les amis, hein. Donc c'est les rapprochés de Allah subhanahu wa ta'ala. Et en arabe, là où dit awliya, il signifiait tout croyant, tout musulman, yo. Nous tout chaque musulman sont wali de Allah liés. Tous musulmans sont alliés de Allah subhanahu wa ta'ala, alliés sont rapprochés de Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que bien entendu gain musulman qui est plus proche de Allah, gain musulman qui est plus loin de Allah, parce que par rapport à action que vous faites, par rapport à croyance que vous gagnez, gain qui est plus bon, gain qui fait plus bonne action, gain qui fait moins bonne action. Donc, par rapport à niveau de foi, gain qui est plus proche de Allah, gain qui est plus loin de Allah. Mais il y a tout awliya, il y a tout awliya. C'est pas en condition qu'on monde allié de Allah ou bien rapproché d'Allah que le pas fait péché même. Hein, ça c'est idée soufio que pour son wali, pour il dit que si vous voulez venir en wali de Allah, faut ou pas faire péché même. Mais ça sont bah en fausse conception, parce que pas gain monde qui pas fait péché, tout le monde fait péché. Donc ou que doit wali Allah, mais en même temps ou a fait péché, sauf que ou demander Dieu pardon les ou fait péché ou puis ou repenti ou cesse fait péché ou juste demander pardon et ou gain remords dans cœur que ou t'es fait péché hein, puis ou changer ou tourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous continuez adorer Allah subhanahu wa ta'ala, vous continuez prier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais soufio gon l'autre conception, les yo dit on wali, yo même yo gon l'autre signification pour wali. Wali pour vos soufis, ce qui ça signifie, c'est un coup saint, un saint dans l'église, dans un catholique, dans un chrétien. Hein? Yo baili un certain degré, un certain niveau. Yo invoqué les yo gon malheur, les yo gon difficulté. Yo al nan tombe yo, nan tombe moun yo, ki mou, les yo mouri. Et yo mandé yo pour yo aider yo. Yo di a, yo rele yo pardon yo. Et des fois que ça y a fait tout, y a sacrifié un animal non côté monde enterré, et y a construit un monument sous tombe lit, soit y a mis un mosquée sous tombe lit, ou bien y a construit une sorte de mausolée, hein, on baïkirait les mausolée en arabe, hein, ou bien un dôme, et puis y a mon y a un endroit ça puis yo pral sacrifier un animal, ou bien yo pral yani bay cob, ou bien yo pral faire une offrande ou n'importe qui bagaille pour yo espérer en retour que saint yo pral intercéder pour yo auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour yo guérir les yo malades, ou bien pour yo on monde pas ka gen petit pour l'aider yo. Donc c'est intermédiaire à prendre entre eux-mêmes et Allah, et ça nous connaît que c'est idolâtrie liée, c'est shirk. Mais il y a quoi dans mon saïo, dans saint saïo. Bon, gain dans soufio, il y a quoi que saint yo, aulia yo, yo associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'organisation du monde, et que c'est eux-mêmes qui occupé de l'univers, que c'est eux-mêmes qui réglent tout ça qui a passé dans l'univers. Et il y aurait les yo aqtab, le pluriel de qutub, ou bien al-awras, le pluriel de raus. Donc là, il y aurait un problème, il y aurait les saint qui réglent les qutub, hein, son degré. Il croyait que qu'on sorte de pyramide, hein, et qu'on série de saints. Il y aurait les yo rijal raib, les hommes cachés, hein. Et yo croit que moun sa yo ka vina en aide les yo gen problème bagay sa yo, que c'est eux même qui contrôlent le monde. Et ça, bien entendu, sont forme de shirk. Sont forme de shirk, et yo inventé non sa yo, et yo attribué un saint sa yo en sorte de pouvoir, et yo mette yo partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le contrôle du monde. Et ça, y a pas gen doute que sont forme de shirk. Cheikh l'a dit après, وهذا من أقبح الشرك في الربوبية وهو شر من شرك الجاهلية العرب لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة وكان شركهم في حال الرخاء أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال الله سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما الربوبية فكانوا معترفين بها وحده كما قال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله فقل أفلا تتقون. الآيات في هذا المعنى كثيرة. Donc, Cheikh l'a dit que shirk, une catégorie de shirk que Mounsa a fait, que Soufiyo a fait, dans les Moun qui croient dans Mounsayo, c'est dans Saint-Sayo, c'est en sorte de shirk, il est le shirk dans Rububiya. Ça nous était appris au début de, dans le premier cours, dans le premier ou dans le deuxième cours. Shirk fi rububiyyah, c'est-à-dire que il fait shirk dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il bay Allah subhanahu wa ta'ala associé dans le contrôle de l'univers. Et catégorie de shirk ça, les plus graves passés shirk de que arabio te qu'on fait au temps du prophète. Parce que l'époque prophète là sallallahu alayhi wa sallam, yo te qu'on fait shirk. Mais il te connaît que Allah subhanahu wa ta'ala c'était lui-même qui t'a créé toute bagaille et que c'est lui-même qui contrôlait l'univers. Il n'y a pas de bail Allah subhanahu wa ta'ala ont associé dans la souveraineté. Il y a bail les partenaires ou associés dans l'adoration seulement. Et non seulement ça, les bail Allah subhanahu wa ta'ala associés dans l'adoration seulement, nous connaît que ça sont en forme de shirk. Qui est majeur, qui est grave, qui fait au monde quitter l'islam, mais en plus, il fait shirk, c'est pas dans toute situation, il fait shirk ça, c'est en particulier les yogins ont, les yogins en période d'aisance, les yogins n'ont pas de problème, ils ont fait shirk, ils ont invoqué l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les yogins ont gros problème, ont gros danger, ont gros difficulté, hein. Là, il a oublié idolio et il a invoqué Allah seul. Parce qu'il connaît que pas de personne qui a aidé à accepter Allah. Hein? Donc, arabe idolatio à l'époque prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, il a pas qu'on fait shirk dans le rububiya, il fait shirk dans l'adoration. Et c'est pas tout le temps il a qu'on fait shirk. Ça, c'est uniquement l'ayo en paix, l'ayo en période d'aisance et de facilité, là, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a un gros problème, il oublie l'idole, il y a adoré Dieu seul. Tandis que Mounsa, il y a un soufi, qui dit qu'il y a un musulman, mais il y a quoi que gain être ou que gain saint qui a contrôlé le monde avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça sont shirk dans le Rububiya, qui piquera pas ces shirk que l'Arabie a été fait. Et il n'y a pas seulement fait les yogins aisance, ils ont fait dans toute situation. Les yogins difficulté, ils auraient l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas seulement les yogins, donc ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans Ar-Rububiya, et en même temps, ils auraient Allah subhanahu wa ta'ala dans toute situation. Même les yogins, difficulté, yo adoré, yo relé idole saint yo, hein? Par exemple qui relé Abdul Qadir, hein? Les yo gen un problème, yo relé saint, son saint qui était mort en Irak, on musulman, on que yo relé saint qui était mort en Irak, les yo gen un problème, yo relé Mounsa. Tandis que arabe avant à l'époque du prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, les yotés qui ont un problème, ils oublient l'idole, ils n'ont pas adoré l'autre, ils n'ont pas demandé l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont demandé Allah seul. Tandis que eux-mêmes, hein, soufio, les yotés qui ont un problème, eh bien, c'est là qu'ils ont demandé l'idole, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Et les yotés dans une situation de aisance, ils ont demandé l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala tout. Ils ont demandé saint et tout. Donc, un vrai musulman, il est toujours demandé Allah seulement. Peu importe dans quelle situation, dans quel état, hein, que ce soit en état d'aisance ou en état de difficulté, il n'est pas jamais invoquer l'autre avec Allah. Il n'est pas jamais demandé l'autre avec Allah. Il est toujours demandé Allah seul. Hein? Il invoque Allah seul. Il demande Allah seul. Il n'est pas jamais demandé en l'autre monde. Tandis que Mounsayo, il y a un problème. Il demande l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est shirk. Donc, Cheikh l'a dit, pour lui montrer nous, Jean Soufio égaré, lui mentionner quelques versets pour montrer état arabe qui j'en étais avant, à l'époque de l'islam, avant l'islam ou bien à l'époque du prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui montrer nous qui j'en ai plus égaré passé arabe avant l'islam. J'en étais dans l'égarement, j'étais dans le shirk, mais Mounsa qui adorait Saint Sayo, mais il a plus mal passé encore. Il dit, فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. Ça c'est le verset 65 dans sourate Al-Ankabut, c'est-à-dire l'araignée. Verset ça dit, et lorsque ils ont monté sur un bateau, ils ont invoqué Allah sincèrement. Hein? Ils ont pas invoqué l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont purifié foi et pratique religieuse pour Allah seul. Hein? Ils n'ont pas invoqué l'autre avec Allah. Parce que ils ont monté sous bateau en paix. C'est même gens les monté dans avion, hein, ils ont monté dans avion, ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et après les ils arrivent, falamma najahum ila al-barr idahum mushrikun. Mais les ils arrivent sous terre, hein, ils ont continué, ils ont tourné dans shirk, ils ont tourné dans idolâtrie encore. Hein, les ils arrivent sous la terre ferme, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont commencé à invoquer l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça après. Et bien, l'autre soufio, c'est pas seulement les yo père que yo fait, c'est pas seulement les yo sous la terre ferme que yo fait shirk, même les yo en bateau yo fait shirk, même les yo père yo gon danger yo fait shirk quand même tout, contrairement à arabe idolatio. Amma ar-rububiyya fa kanu mu'tarifin biha, hein, arabe période pré-islamique là. Avant l'islam, ils ont été fait idolâtrie, ils ont reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui le maître de l'univers, c'est lui-même qui crée toute bagaille, c'est lui-même qui contrôle tout ça qui est dans l'univers, et ils n'ont pas nié que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui crée toute bagaille, sauf que ils ont utilisé idole, ils ont tant qu'intermédiaire entre eux-mêmes puis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, il y a un peu le verset qui prouvait ça tout, qui montrait que, arabio, même si il était reconnaître que Allah c'est lui-même qui est créateur, mais il était fait shirk parce qu'il a invoqué l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est mentionné en verset, le verset 87 dans Surat Az-Zukhruf. Allah dit, et si vous demandez qui est-ce qui crée, il va dire Allah. Hein? Donc ça veut dire, si vous demandez qui est-ce qui crée idolatio, il est demandé idolatio, qui est-ce qui crée, il va dire Allah. Donc, ils ont pas nié créateur, ils connaissent que idole n'a pas créé rien. Ils connaissent que idole, c'est eux-mêmes qui fabriquent avec main. Sauf que, ils continuent à faire shirk parce qu'ils croient que pas de contradiction entre le fait de croire en Dieu et en créateur unique et le fait d'invoquer l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas réalisé que sont contradictions liées. Ensuite, il mentionne un autre verset, c'est le verset 31 dans Surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل, dit, ô Muhammad, dit à idolatio, demandez idolatio, qui est-ce qui baille nous subsistance, nous, de la terre et du ciel? Et qui est-ce qui est en contrôle de l'ouïe et de la vue? Et qui est-ce qui fait sortir la vie de la mort? Et qui est-ce qui fait sortir la mort de la vie? Et qui est-ce qui contrôle toute bagaille? Nous pourrions le dire, c'est Allah. Alors, demandez-vous, est-ce que nous pas peur? Est-ce que nous pas craindre lui? Est-ce que nous pas prêts à le craindre lui? Hein? Si nous connaissons que c'est lui-même qui crée, qui contrôle toute bagaille, et qui bat nous la subsistance, et qui contrôle toute bagaille dans l'univers, qui j'en nous qu'à quitter lui, puis nous commencer à adorer l'autre avec lui? Hein? Nous demander loi, nous demander statut, nous demander croix, nous demander idole, nous demander mort, yo. Nous demander tout, et nous oublier Allah subhanahu wa ta'ala, et nous reconnaître que c'est lui-même qui crée toute bagaille, son contradiction. Hein, pour qui ça? Nous demander ça qui pas un pouvoir, qui pas qu'à contrôler rien, et n'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même qui gagne contrôle sur toute bagaille, et que c'est lui-même qui met toutes choses. Hein. Donc ça, c'est une contradiction. Et quand pile verset comme ça, qui montre nous que Soufio, il est égaré, il est plus égaré parce que l'autre mouchriquinio à l'époque de prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, il était qu'on fait shirk. Au moins, il était reconnaître la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que Soufi Sayo, il est même associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans souveraineté. Donc, ça, c'est un bail qui est grave. Ensuite, Cheikh l'a dit, أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين أحدهما شرك بعضهم في الربوبية والثانية شركهم في الرخاء والشدة كما يعلم ذلك من خالطهم وصبر أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر وعند قبر العدروس في عدن والهادي في اليمن وابن عربي في الشام والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق وغيرهما من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنا لله وإنا إليه راجعون نسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يوفق قادة المسلمين وعلمائهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله إنه سميع قريب. Cheikh Landi, en ce qui concerne mushrikin yo jodia, moun ki commence à venir faire shirk kounya, et puis parmi musulmans yo, moun ki dit que yo musulman, eh bien, yo plus grave, yo exagéré, yo augmenté, hein, par rapport à l'égarement premier mouchrikin yo, yo rajouté sous l'égarement yo de deux points de vue. Premier point de vue, c'est que yo fait shirk dans Aroububia, yo fait shirk dans la souveraineté d'Allah, parce que yo dit que y'a un monde qui contrôlait l'univers avec Allah SWT. Ça, son première forme d'égarement, un premier point de vue, qui pigra pas ses premiers mouchriquinio. Et deuxième point de vue, hein, c'est que, il fait shirk dans toute situation. En difficulté ou en période de facilité, il fait shirk. Et tout le monde qui mélange avec Mounsayo, puis qui vient expérimenter ou vivre avec yo, pour yo, qui j'en yo, il pourra constater que c'est ça réellement que yo fait. Les, par exemple, si vous allez, par exemple, en Égypte, vous pouvez voir que quand on tombe, que vous fait un tombe pour Al-Hussein, petit-fils prophète-là, hein, petit-fils prophète-là. C'est-à-dire que c'était Al-Hussein, Al-Hassan ou Al-Hussein, c'est prophète-là, t'es en fille, et filien, t'es marié avec neveu prophète-là, et il t'es gagné deux fils, il t'es gagné l'autre petit tout, mais deux fils Sayo, Al-Hassan ou Al-Hussein, yani, Al-Hussein l'a mouru, il a fait on tombe en Irak pour lui, et il a fait un autre tombe pour lui en Égypte tout. Par contre, pour qui ça a fait ça, mais bon, il qui dit que c'est peut-être lui qui est enterré là-bas, mais par contre, si c'est son bail qui. Historiquement, bah, ça n'a pas prouvé, sauf que il y a un qui. Fait un tombe pour lui, il construit un dôme sous tombe lui en Égypte, et gain moun chaque année pour le faire pèlerinage dans tombe yo. Et ça son bail qui haram, son bail qui shirk que moun sa yo a fait, idolâtrie que yo a fait. Yo allé en Égypte et yo adoré un autre tombe de un moun qui était relé Al Badawi, hein, son un moun qui était fait au Maroc, hein, qui après ça l'a vivre en Égypte et puis il mourit en Égypte. Il dit que son saint lié. Donc, il a adoré tomber. Et il y a l'autre tombe tout là-bas que il a adoré en Égypte. Dans l'autre côté au Yémen, il y a un tombe de Idrous et qu'on le qui relie Al-Hadi au Yémen, il y a un tombe Mounsayo, puis il y a adoré et tout. Il y a fait pèlerinage dans le tombe Mounsayo. En Syrie, il y a un tombe au Moun qui relie Ibn Arabi. C'est même bagaille, il y a adoré le pays ça tout. Et il y a un autre tout. Hein, ça, c'est juste exemple que Cheikh Labbaï. Il y a un tombe Cheikh Abdul Qadir al-Jilani en Irak, et Moun y a pas adoré le tout. Et dans tout pays musulman, Maroc, Tunisie, pays africain, Mali, Sénégal, yani, n'importe qui pays où aller, Algérie, Tunisie, Égypte, Libye, yani, Soudan, peu importe qui pays musulman où aller, on peut aller à un tombe que le monde peut aller pour adorer, pour faire pèlerinage dans le tombe. En Iran, il y a un tombe Al-Hassan ou Al-Hussein, il a construit une mosquée sur lui. Ali, même bagaille, à Najaf et à Karbala, il a fait pèlerinage là-bas. En Irak, même bagaille. En Pakistan, en Inde, même bagaille. Hein? Et il y a un secte qui veut l'établir. Tout. Hein? Monde qui a le voyage dans chaque ville, dans chaque mosquée. Il parle dans chaque côté, il a toujours voyagé en groupe. Et il y a dans chaque pays, puis il dit qu'il a fait Dawa. Mais pour de vrai, son groupe Soufi, oui. Et le fondateur du groupe ça, il était fondé secte, un groupe ça en 1927. Il est Mohamed Elias Al-Kandahlawi. Il y a un livre que il lit qui relait Tablir Nisab. Et il a commencé en Inde, ok? Mon fondateur Mounio, son soufi, il était et tout. Et il était suivant Tariqa qui relait Al-Chistiyya. Et Mounio a une allégeance à quatre sectes ou quatre turcs soufis. Et quatre non sectes, c'est la Tariqa Naqshbandiya, la Tariqa Saharwardiya, la Tariqa Al-Chistiyya et la Tariqa Al-Shadiliya. Donc c'est quatre turcs soufis que yo bayon allégeance à quatre sectes ça yo. Puis qu'il y a l'autre en pile, il y a une centaine, même plus que une centaine de groupes soufis comme ça. Mais sectes ça qu'on les qu'on baye particulière, c'est que yo voyage en pile. Hein. Et bien entendu, c'est pas tout le monde qui est avec yo qui soufi, mais sauf que tout chef yo tête monde qui a la tête de groupe ça, il y a tout soufi. Et il y a étudié dans l'école qui relait Diobandiya en Inde. Et l'école ça, il y a relait le Dar al-Uloum. Et il y a empilé l'école dans différents pays dans le monde. Et également, il y a une croyance dans l'Aqida, dans les noms et les attributs d'Allah. Hein, il y a nié, il y a déformé sans attribuer Allah subhanahu wa ta'ala. Même gens avec l'autre secte Asha'ira, mais il y aurait les Maturidiyah, En tout cas, c'est un paquet de groupes et sectes qui existaient. Faut nous méfier, nous, de groupes ça, parce qu'ils ne vont pas suivre la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc, faut nous méfier, nous. Et, Mounsayo, dans Mountablirio, en Inde, dans le quartier général, ils ont enterré chef, dans la mosquée. Il y a quatre tombes que vous mettez dans la mosquée. Donc, ça, c'est un bail qui est en désaccord avec l'islam. Et parfois, les gens qui font ça, ils ont essayé de justifier ça fait parce que vous voyez qu'à Médine, en Arabie Saoudite, bien entendu, en Arabie Saoudite, pas de tombe parce que ils étaient tous détruits. Les gens qui ont fait shirk dans le tombe, ils ont rasé tout le tombe, ils ont nivelé même au niveau de la terre. Donc ça, le prophète l'a ordonné à Ali pour y aller, pour raser tout le tombe qui soulevait, pour les niveler toutes. Hein, parce que nous n'avons pas le droit de construire un tombe qui est surélevé dans l'islam. Et donc, ils ont nivelé toutes. Le prophète là lui-même, il était mouru dans Kay Aïcha. Hein? Et Kay Aïcha, il était collé avec mosquée. Mais il y a une séparation, il y a un mur entre Kay Aïcha et mosquée. Les prophète l'a mouru, sallallahu alayhi wa sallam, après compagnon, après compagnon, gain l'autre roi qui arrivait, hein, gain l'autre khalifa qui arrivait, et il était fait en allongement de mosquée, il était agrandi mosquée à l'ouest, donc pas de gain problème. Mais gain bon l'autre qui arrivait, qui était besoin construire mosquée, élargir mosquée, l'élargir à l'ouest. Donc ça le fait, l'incorporer Kaï Aïcha à l'intérieur de mosquée. Et nous connaissons que nous n'avons pas le droit de construire une mosquée sous, nous n'avons pas le droit de construire une mosquée sous une tombe. Ben, ça, c'est interdit. Mais l'elle fait ça, il n'y a pas mal de conseils savants, il est juste fait. Et donc, là, qu'on y a aujourd'hui, si vous à la médine, dans la mosquée prophète là, vous voyez que Kaï Aïcha est toujours là, à l'intérieur de mieux mosquée. Mais, faut nous comprendre que ben, ça c'est une décision politique qui était à l'époque et n'est pas en accord avec décision savante de l'islam yo, et que bien entendu c'est pas prophète là qui était ordonné pour yo enterrer dans mosquée, au contraire il était interdit par ça, et c'est pas compagnon yo qui était fait tout, c'est bien longtemps après que yo était fait bagaille ça, yo était élargi mosquée et ont incorporé Kaï Aïcha à l'intérieur de mosquée. Donc, c'est soufi ou pas qu'à utiliser ça comme argument ou comme preuve pour le fait que yo enterré mona mosquée ou bien yo construit mosquée sous tombe. Parce que ben ça en contradiction avec l'islam, et prophète là t'es maudit en pile juif et chrétien yo à cause que yo fait bagaille ça. Un prophète là te dit لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. Il dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes, ils ont pris ton prophète yo tant qu'au mosquée, hein, tant qu'au lieu de prière ou lieu d'adoration. Donc on n'a pas le droit construire en mosquée sous une tombe, et les païens doivent enterrer en monde dans en mosquée. Donc moun sa yo même yo pa yo délant, hein, yo pa care, yo juste enterrer en moun le yo avec moun nan pieu, yo dit ah nous pas le mettre dans mosquée. Bon, ça c'est un bail qui contradictoire avec l'islam. Ensuite ça Cheikh Landi soufio en plus ça yo fait yo comme ça nous te dit yo adorer tombe ça yo et moun ça yo saint ça yo relé yo saint. Et yo ba yo en pile de droits qui droit Allah unique. Et yo pa yon droit ba adoration à l'autre avec Allah. Parce que l'adoration son droit qui uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Yo même, yo ba l'autre monde droit ça. Yo adore li en dehors d'Allah. Yo adore saint ça. Ensuite, Cheikh Landi, et pa yon en pile monde qui dénonce ces bagay ça. Hein, puis pas qu'en plus monde tout qui clarifie pour yo réalité tawhid là, que Allah t'a envoyé tout messager yo, en particulier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dernier prophète yo, il t'a envoyé tout prophète yo pour yo enseigner tawhid là. Donc prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui même qui était dernier prophète yo, et il est venu avec tawhid là, et pas qu'en plus monde aujourd'hui qui clarifie tawhid ça. Même l'autre prophète qui était venu avant, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était tout enseigné tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est de Allah que nous venons, et c'est à lui-même que nous parlons tourner. C'est lui-même qui crée nous, c'est lui-même qui parle faire nous mourir, et nous demander pour lui ramener Mounsayo à, nous demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui ramener Mounsayo à la droiture, et pour que lui augmenter nombre de monde qui relaient à la vérité et à la guidance, et pour lui bailler tout monde qui pour que Allah subhanahu wa ta'ala bail succès à toute tête et dirigeant et savant musulman pour yo combattre le shirk, et pour yo réussir craser shirk là complètement, et tout ça qui a mené mounio dans shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui est audient et qui est proche, qui a répondu à l'invocation. Ensuite, Cheikh Landi, وَمِنَ الْعَقَائِدَ الْمُضَادَّةِ لِلْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ فِي بَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ويدخل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كلا شعرة فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية وتناقضوا في ذلك تناقضا بينا أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيها وبريئا من شائبة التعطيل فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم كما سبق بيان ذلك وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولهم وهو اتباع الكتاب والسنة وترك ما خالفهما والله ولي التوفيق وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا به وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Donc ça c'est le dernier paragraphe livre-là, Cheikh Lundi. Et parmi croyances qui sont en opposition avec croyances correctes, qui est croyances de l'islam, dans le chapitre ou dans la question des noms et des attributs, noms et attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, gain en pile dans croyances qui sont en opposition avec croyances de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est croyances des gens de Bid'a parmi les sectes qu'il y aurait les Jahmiya et Mu'tazila. Ça, c'est deux groupes ou deux sectes qui égaraient dans la question de nom et attributs de Allah subhanahu wa ta'ala. Et deux sectes, ça y est, c'est deux sectes qui sont très extrémistes parce que ils niaient nom, hein, al-Jahmiya. C'est les gens qui te suivent, on a créé les Jahm ibn Safwan. Ils niaient non, tout nom Allah subhanahu wa ta'ala et tout attribut Allah subhanahu wa ta'ala qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Et ils ont interprété, ils ont dit que tout baïsa est symbolique, ils ne sont pas réels, ils ne peuvent pas les affirmer. Ensuite, Mu'tazila, c'est les gens qui affirmaient non Allah subhanahu wa ta'ala, toutefois, ils ne peuvent pas reconnaître la signification. Signification non yo. Tandis, par exemple, elle nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le tout puissant. Il dit c'est le tout puissant, mais elle n'a pas gain puissance. Donc c'est en contradiction il a fait parce qu'il nie attribut Allah subhanahu wa ta'ala. Il a affirmé non yo, mais il nie signification non yo. Donc il nie attribut et réalité non Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, gain ça. Puis, faut nous connaître en bagage, c'est que tout nom que Allah Teba et Tetli, c'est nom de perfection yoye. C'est nom de perfection yoye. Et c'est nom de. C'est nom de gloire et de perfection. Et tout attribut que Allah subhanahu wa ta'ala Teba et lui-même. Et eh bien, c'est un attribut de perfection également. Tandis que, mon secte Sayo, il attribue à Allah subhanahu wa ta'ala attribut qui est en contradiction avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala, t'es attribué tetli. Et, yani, gon l'autre secte qui est les Al-Asha'ira. Et à la Sha'ira, ils tombaient en contradiction également. et aussi les maturidiyya, hein, al-maturidiyya. Donc, Mounsayo, ils ont affirmé quelques attributs et ils ont nié l'autre attribut. Donc, ils tombent en contradiction puisque pour qui ça a affirmé certains attributs, puis ils ont nié l'autre attribut. C'est une contradiction. Ils étaient supposés faire même genre avec Ahl Sunnati wal Jama'a pour affirmer tout attribut Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception. Donc, eux-mêmes, les Asha'ara, ils ont affirmé quelques attributs, sept attributs affirmés, et l'autre attribut, ils ont déformé sens, et ils ont l'autre signification qui est en contradiction avec la signification réelle de attribut en arabe. Donc, ils ont contredit preuve de la révélation, et ils ont contredit preuve même rationnelle. Et ils ont entré en contradiction qui ont contradiction évidente. Tandis que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont affirmé tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même, et ils ont nié tout ça, Allah t'a nié pour lui-même, et ils ont affirmé tout ça, prophète l'a affirmé, parmi noms et attributs Allah, yo, et ils ont nié tout ça qui gain en lien avec, en ressemblance avec création Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas fait aucune ressemblance entre Allah et création lui. Et il a purifié Allah subhanahu wa ta'ala de toute ressemblance. Et tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, toute sa prophète l'a nié à propos d'Allah, il a nié lui. Et de même que, il n'a pas nié attribut Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas déformé essentiel. Ils ont accepté aux gens et ils ont appliqué toute preuve qui révélait au sujet d'Allah sans déformer sens attribut. Donc ils ont sauvé de contradiction tout ça, l'autre était tombé là-dedans. Hein? Toute l'autre contradiction que l'autre secte est tombé dans yo, et bien Ahl Sunnah wal Jama'a a sauvé, ils ont épargné de toute contradiction ça. Yo. Et ça, c'est la voie du salut et du bonheur dans la dunya et dans l'autre vie, la vie après la mort. Et donc, ça, c'est le droit chemin. Et c'est le chemin que tout salafio, premier musulman, ont été suivent, même genre avec grand savant l'islam, ils ont tous suivre croyant ça. Et, tant que Cheikh l'a dit, que nous, pas j'aime qu'à corriger situation dernier musulman, excepté si nous suivent ça qui était corrigé et réformé premier musulman. Yo. Et c'est-à-dire, si nous pas suivre, si nous pas tourner à suivre Coran et Sunna, nous pas jamais capables de corriger la situation. Nous. Et pour nous abandonner également tout ça qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, selon la compréhension des premiers musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui cabaye nous succès à, et lui suffit nous, lui suffisant pour nous, parce que c'est lui-même qui contrôle toute bagaille, et c'est lui-même qui garant, et pas de mouvement, pas de force, excepté par lui-même, et nous voyons paix et salut à son prophète lien, et serviteur lien, prophète nous, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et sous toute fidèle, et famille, et compagnon. Donc ça, c'est fin livre-là. Il y a un petit passage qui était difficile, mais quand même, j'espère qu'il y a clair quand même, parce que évidemment, il n'est pas facile des fois pour nous traduire toute explication ça yo, en créole, en plus que créole l'a limité un peu. On connaît que bon, des fois, il n'est pas facile. Mais Alhamdoulilah, nous faisons ça, nous capables, pour nous aider, l'islam, Inch'Allah, en Haïti, puis dans l'autre Antillo. L'autre monde qui connaît pas les créoles tout, qui qu'a comprendre ça, nous n'abdia, monde qui sort dans Martinique, Guadeloupe, monde qui sort dans l'île Maurice, Réunion, et l'autre île, Inch'Allah, y'a qu'à profiter si vous qu'a comprendre, Inch'Allah, sinon, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour aider l'autre frère dans l'autre Antillo, Inch'Allah, pour yon joindre moun ki ka expliquer yon tout, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa barakallahu fikum.